Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 13e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, je suis accompagné du perfectionniste Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. C'est une grosse semaine. Une grosse semaine au niveau de l'info console, mais on va en parler. Ensuite, on a le séduisant Cilion. Salut Cilion. Salut, ça y est. T'as vu, je suis présenté. Ouais, c'est bien, merci. Bonjour tout le monde. Ça roule. Ouais, vendredi, c'est le meilleur jour. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et enfin, le charismatique Cyril. Salut Cyril, avec ta grosse voix. Salut Sei, salut les copains, et salut à ceux qui nous écoutaient. Allez, on va commencer tout de suite. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars. Aujourd'hui est tombé le premier trailer de vidéo de gameplay du fameux projet VR de Nintendo, donc, qui s'appelle très simplement le Nintendo Toy-Con 04 Kit VR, qui sort le 12 avril. Ouais, c'est très simple, c'est bien. Et du coup, pour la première fois, en fait, justement, il montre un petit peu à quoi ça va ressembler, la gueule que ça va avoir, les idées de mini-jeux en fait, qu'il y a dedans. Pour résumer, en gros, il y a 64 mini-jeux, il y a 6 packs différents à monter et à combiner justement avec la solution VR qu'ils ont trouvée. Et juste pour faire le résumé, vite fait, le kit complet, en gros, est à 69,99€. C'est-à-dire que là, il y a vraiment tous les éléments carton. Ensuite, on a un autre pack ensemble de base plus le canon qui est à 34,99€. Et après, les éléments au fur et à mesure qu'on a envie de rajouter, c'est 19,99€. Ça donne quand même une idée un petit peu... Tout est en carton, là ? Tout en carton, ouais. C'est les petits éléments en carton. Ouais. Et en fait, les 64 mini-jeux, ça sera une cartouche seule qu'on aura dès le départ, en fait. Donc, est-ce que vous avez pu regarder un petit peu ce trailer et surtout, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, de Nintendo qui arrive dans ce marché? Bah, perso, j'ai pas encore vu. Donc, je vous laisse la place. Alors, oui, moi, je l'ai regardé. Alors, ça me rassure d'une certaine manière parce que c'est très axé joué. D'ailleurs, ça va pas tarder à être passé sur Gulli en boucle. Je sais pas si vous avez remarqué le nombre de pubs pour Nintendo qu'il y a sur Gulli. Je regarde pas trop. Enfin, disons que j'ai jamais fait attention. Plus, ouais. En fait, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en rentrant. Et mes enfants étaient sur Gulli. En moins de 10 minutes, il y a dû avoir 4 pubs de Nintendo. Donc, ouais, et là, c'est très très axé enfant, 7 ans. Voilà, c'est très joué en fait. C'est un joujou. C'est pas un casque. C'est ça. Mais de toute façon, les pubs Nintendo, je veux dire, entre deux épisodes de Pat Patrouille le matin et je sais de quoi je parle, t'en as plein quoi. c'est abusé. Ils ont trouvé en tout cas leur créneau. Donc effectivement, leur kit VR qui est à partir de 7 ans. Au lieu de 12 ans pour les autres. Bon, bref. Et toi, sinon, t'as jeté un coup d'œil un peu? Bah ouais, j'ai trouvé que c'était assez rassurant comme Laurent. C'est un trailer qui montre des expériences qui ont l'air propres quand même. En vidéo plate en tout cas. Et ils ont mis le paquet, hein, 64 jeux. C'est localisé, chaque trailer est dans la langue, c'est en français. C'est vraiment peaufiné. Donc, agréablement surpris. Bon après, les expériences, ça sera, enfin voilà, ça a l'air d'être que des mini-jeux. Et puis, c'est clair que, encore une fois, en place, ça a l'air sympa, mais dans le casque, ça sera horrible. Enfin, ça va être très moche. Moi, je suis toujours vraiment curieux de savoir, parce que ça a l'air quand même ce qui me fait peur. Coloré, épuré et quand même assez efficace. Mais bon, à part avec la résolution, on ne pourra pas faire de miracle. Mais moi, je ne sais pas si ça vous a fait la même impression. Moi, ça m'a fait penser, surtout pour le jeu de tir au début, ça m'a un petit peu fait penser à Astrobot, justement, dans le design. Un peu mignon, coloré, épuré. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Là-dessus. Ça, Nintendo, ils savent faire en plus. Hein. Ouais. Non, moi, là où je suis plus inquiet, c'est les 720p et voir le framerate. Parce que, bon, ben, quand on regarde une vidéo à 30 fps, on s'aperçoit très vite que ça saccade pour un rien. Donc là, en jeu, C'est le genre de truc que j'aimerais essayer. Par contre, je trouve excellent le truc où tu tapes du pied, ça te fait du vent quand et du coup tu te prends un peu de vent. Je trouve ça un peu cheap. Quand, eh ben, c'est le genre de truc, ça va durer une semaine et puis après c'est le truc qui sera. Alors attention, quand je dis je trouve ça excellent, pour un gamin de 7 ans, ça va faire un carton. Et c'est un carton en plus. Oh là là, la vanne. Non, mais c'est est-ce que c'est vraiment pensé pour les gamins de 7 ans ou pour les geeks en mal de nostalgie? Ah ben les deux, ça va être pour les comment on appelle ça déjà les ceux qui ont le truc de Peter Pan là, les grands enfants. Ouais. Mais en tout cas quand tu vois le spot qui doit durer quand même un bon moment parce qu'il est long ce spot, hein, il y en a pour 7 minutes. C'est vraiment accès jouet. J'ai l'impression de voir une pub pour enfants pour un jouet de Noël, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt bien. Même les espèces de petits jeux là, ça me fait penser aussi à Incredible Machine. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là où il fallait jouer avec des mécanismes, la gravité. Je pense qu'ils ont pas mal de trouvailles. Hein. Est-ce qu'ils vont pouvoir, tu vois, même mettre une version de Job Simulator ou Vacation Simulator? Je pense même pas qu'ils réussiront à faire ça. Et t'as vu, il y a aussi un logiciel de dessin avec une trompe, hein, donc c'est normal de dessiner avec une trompe. Mais au-delà de ça, en fait, ça montre peut-être le room scaling que t'as à disposition, quoi. C'est tellement limité que, en fait, t'as que 30 cm où tu peux bouger, quoi. Ouais, mais ça a l'air assez complet quand même. Tu joues de la trompe. Tous les hivers dans la neige. C'est un jouet pour faire découvrir aux enfants la VR. Et si c'est axé comme ça, ça me choque moins que qui se disent ouais, on a sorti un casque pas cher et que parce que là ils vont se faire lyncher. Donc le fait de l'avoir axé enfant, je trouve c'est une bonne chose. Après, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne dans le casque. T'es sponsorisé par Alain Flelou, Laurent quoi là. Pourquoi? Non, tu dis c'est bien, les enfants de 7 ans ils vont pouvoir jouer à ça, c'est super. On pourrait bien s'éclater les yeux. Allez-y les gosses. Non, mais c'est mais, fou. Ça vous a pas marqué quand vous avez vu la pub? Moi, c'est le premier truc que j'ai vu, c'est clair que c'est un mais après, un petit venant kijou, de Nintendo, quoi. Ils font toujours une approche décalée par rapport au reste de la concurrence, donc du marché, c'est pas étonnant de leur démarche, je trouve. C'est leur cible, hein, de toute façon. Et bon, après, comme des mini-jeux, expériences, c'est du casual game, hein, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Là, oui, elle en était farcie. Non, ça reste dans la droite lignée des productions Nintendo. La Wii, la Switch, la Wii U, elles étaient quand même axées famille. Donc, tu avais à la fois des adultes, des ados et des enfants. Là, ils ont vraiment tapé. Il n'y a que des enfants, quoi. En gros, si un adulte joue à ça, il va peut-être dire ouais, bof. Ah, il a l'air con, hein. Avec la trompe. C'est pas. Ouais. Non, mais c'est que des mini-jeux, donc c'est des trucs qui vont durer 5 minutes. De voir ce que ça donne. C'est des trucs qui vont durer 5 minutes, des mini-jeux comme ça, voilà. Et ça sera forcément pas très fatigant. C'est pas les trucs que tu vas rester 2 heures sous le casque, comme une expérience qu'on connaît nous. C'est pas le même public. Et en tout cas, je suis vraiment rassuré. Hâte d'essayer en tout cas, de voir techniquement un petit peu à quoi ça ressemble, vraiment, de plus en plus. Et là franchement je suis presque un petit peu hypé en fait par ce nouveau trailer. Oula, je dois t'acheter une Switch. Tu vois, ils ont déjà réussi leur pari. Voilà. Je préfère Dreams, entre nous. Ouais, on attendra Dreams aussi. Ouais, mais il aime jouer de la trompe apparemment, donc il s'en joue. Mais et tu serais surpris, mon petit gars. Nintendo ont communiqué en disant que de toute façon c'est un premier essai en VR et que si c'était un succès, ils approfondiraient sur la prochaine console. Oh bah, il suffit qu'ils fassent un Mario ou un Pokémon en VR et déjà on parlera plus sérieusement, quoi. Mario Kart VR, ça ferait un carton. Oh putain, faut que j'arrête avec le carton. Ouais, on va essayer de se faire un défi, c'est de plus parler de la du truc là, Toy-Con, et comparer des cartons. C'est le nom de code, le casque en carton. Mais la Switch VR va être interdite dans la rue, hein, parce que les enfants, il y en a plein qui vont mourir écrasés sur les passages piétons. Putain. Ready Player One, mais voilà, merci Nintendo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine a eu lieu la GDC. Et donc, il y a eu une grosse nouvelle qui n'a pas un lien vraiment direct avec la réalité virtuelle. mais qui a quand même son importance justement sur le futur de la réalité virtuelle. Et on va essayer de voir, décortiquer un petit peu ce qu'on entrevoit en tout cas par cette annonce. C'est la Google Stadia. Laurent, tu vas nous en parler. La Google Stadia, qu'est-ce que c'est ? Oh, tu l'as bien dit. Oui, ouais. Tu l'as bien dit, hein, là, parce qu'on a tous, on a tous du mal à retenir le nom. Je l'ai noté, c'est pour ça. Alors, Google Stadia, c'est avant tout un concept qui est annoncé depuis maintenant un an et demi, sans souci. Il y a eu des fuites, et puis les fuites ont commencé à devenir de vraies rumeurs, puis après c'était carrément Google qui en parlait. Donc, cette fois, ça y est, c'est officiel, ils viennent officiellement de la lancer pour la GDC. C'est quoi ? Donc on s'attendait à avoir éventuellement une console physique accompagnée d'un forfait, en fait, d'une offre numérique. Ce ne sera pas le cas. Google l'ont confirmé. Il n'y aura jamais de console physique Stadia. Voilà, donc ça déjà, on le sait. Concrètement, c'est quoi ? C'est un serveur. Avec abonnement à la Netflix, sauf qu'au lieu d'avoir des séries, on charge du jeu vidéo, mais c'est pas le bon mot, en fait, on charge pas le jeu, en fait, on va se retrouver, par exemple, quand on va regarder une bande-annonce sur YouTube, on va dire, tiens, ce jeu, il a l'air pas mal, et puis on aura toujours un bouton qui s'affichera, Play Now, et quand on cliquera sur le bouton, on sera directement lancé dans le jeu, sans téléchargement, donc instantanément dans le jeu, sans téléchargement, sans mise à jour, sans tout ce qui va avec, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, sans DLC. En fait, c'est directement les serveurs qui sont mis à jour, et du coup, en fait, le joueur a juste à payer un abonnement et il aura un catalogue de jeux, on l'espère, disponible, et il pourra lancer le jeu qu'il veut directement de sa télé, de son téléphone portable, de son iPad, de tout ce qui a un écran, à part les iWatch, et encore, ça se trouve, ils vont nous le faire, iWatch VR, mais bon, voilà. Tu auras deux iWatch, en fait, tu mettras tes yeux dedans. Mais c'est un concept quand même qui date pas d'hier. Je veux dire, il y a PlayStation qui avait investi dans, c'est un dans vieux Gaikai. Rêve. Ils ont, dans Gaikai, il y a 10 ans maintenant à peu près. Et c'était une solution aussi de streaming de jeux vidéo qui fonctionnait plutôt bien. En plus, j'avais testé, il y avait possibilité de tester à l'époque. Et qu'ils ont finalement... PlayStation Now reprend, je pense, cette technologie-là, mais ça, c'est pas ce que les gens veulent. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Bah c'est un vieux rêve. Microsoft, en 2013, avait déjà les deux pieds dedans quand ils ont sorti la Xbox. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont perdu c'est à cause de ça qu'ils ont perdu la guerre des consoles. Parce que si vous vous rappelez de l'E3 en 2013, ils ont présenté la Xbox comme une console dématérialisée, où il n'y aurait plus de jeux physiques. Donc à l'époque, l'objectif, c'était de tout mettre sur une espèce de Google, de Xbox Live, et que du coup, on aurait pu, les jeux ne seraient plus compatibles. On pouvait acheter un jeu physique, mais dès qu'il était introduit dans la console, il était bloqué à cette console. Du coup, imaginez un enfant avec des parents divorcés, ben, il est obligé d'acheter deux fois le jeu. Et ils avaient déjà commencé, donc à l'E3 2013, de préparer à l'arrivée d'un service totalement numérique, dématérialisé. À l'époque, Sony a fait totalement l'inverse. Donc, ils se sont même moqués de Xbox dans un spot où on les voyait en train de s'échanger des jeux. Comment échanger un jeu chez Sony et puis donner le jeu à un autre copain ? C'est aussi simple que ça chez Sony. Et le mal était fait parce qu'à la fin de l'E3, tout le monde avait dit c'est bon, je prends une PlayStation, hein, parce que j'ai pas envie d'être enchaîné. Ça plus le tarif, ça les avait flingués. Voilà. Le tarif qui était d'ailleurs 500 euros. 50 euros avec plus cher Kinect. Mais le Kinect imposé, qui n'a jamais rien donné. C'était pas 100 euros plus cher ? Ouais, je sais plus, c'était peut-être 100 euros, c'est possible. Ouais, 100 euros. C'était 100, c'était à 500. Il y a un design qui ne plaisait pas trop non plus sur le moment. Oh, c'était un magnétoscope. Hein. Oui, elle était rectangulaire, elle avait pas, c'est vrai. Mais bon, le plus lourd, ça a été cette espèce de coup de passe-passe qu'ils ont essayé de nous faire gober. Et Sony aurait très bien pu faire le choix de faire comme eux, et ils l'ont pas fait. C'est ce qui leur a valu qu'aujourd'hui, la PS4 est ce qu'elle est. Moi, je vais juste revenir sur la question de est-ce que les gens veulent vraiment ça ? Mais c'est surtout, je crois, le cœur du problème, il faut en parler direct, je pense. Est-ce que les gens peuvent se permettre ça ? C'est que, à part aux États-Unis, dans les grandes villes, t'as pas assez de débit pour permettre d'avoir du 1080p en 60 FPS. Et c'est la base, hein. Et c'est la base, hein. On est d'accord. 1080p en 60, maintenant, c'est, ça doit être une base. On parle même pas de la latence, hein. Ouais. Ah bah, ouais, la base, pour moi, c'est pas 1080p en 60, c'est du 4K 60 maintenant. Pour la prochaine génération, en plus, c'est vrai qu'ils sont quasiment obsolètes. Attention, Stadia, pour moi, c'est la prochaine génération. Ça fait pas partie des PS4 et des Xbox. Hmm. C'est une console virtuelle, mais d'ailleurs, Google, les premiers, ils annoncent une machine de 10,7 teraflops qui ferait en fait l'équivalent de puissance, ce qui est complètement débile en fait, parce que ils annoncent l'équivalent de puissance d'une Xbox One plus une PS4 Pro. Sauf que c'est des serveurs, donc si demain ils décident de la balancer à 20 teraflops, ils auront quand même changer un peu, ouais, booster un peu les serveurs. Ça, Laurent, c'est là aussi, c'est de la com, quoi. Hein. C'est juste pour montrer qu'on n'aura pas affaire à une console de, même si c'en est pas une physiquement, à une console de seconde zone, quoi. C'est ça. C'est un chiffre qui est balancé juste pour le plaisir des yeux, hein. C'est tout. Hein. Et c'est justement là où c'est très intéressant, c'est que tout le marketing est axé sur. C'est parce que. Dans le principe, sur le papier, c'est formidable. C'est vraiment un truc où tu n'as plus de console à acheter. Tu n'as plus, t'as juste une manette. Tu vas commencer un jeu. Tiens, je vais le démarrer sur YouTube sur mon ordinateur. Ah, je l'ai pas fini dans le bus. Ben, je vais continuer sur mon téléphone. Après, j'arrive chez moi. Et ben, j'allume ma manette. Poum, je le lance sur la télé. Pas de temps d'attente pour charger, pour mettre à jour, pour des choses comme ça. Et là, je joue à mon jeu. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Maintenant, dans la réalité, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Oui, voilà. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'ils axent vraiment sur le fait que ce soit distant. Que ce soit sur des serveurs, on aura le plus gros ordinateur. En fait, ça peut même contrer l'informatique, le PC. Parce qu'on peut avoir des machines de folie avec des forfaits plus chers. Après, c'est ce qu'ils vont certainement décliner. Et on pourra très bien avoir des... Et ce qui m'a fait beaucoup rire pendant la conférence de Google, c'est qu'ils se sont bien moqués de Microsoft et de Sony... parce qu'ils essayent de rentrer sur le marché, en disant que ces deux marques étaient bridées par leur machine. Ouais. Et ben là, c'est là où c'est drôle, parce qu'eux ne sont pas bridés en puissance, mais ils sont bridés par les débits Internet. Donc, Parce que je ne sais pas si tu l'as précisé, il faut 30 mégas constants minimum pour que ça fonctionne comme Alors, il faut. Entre 20 et 25 mégas constants pour jouer en 1080p à 60 fps, c'est là où j'ai pas trop saisi, ils ont dit 30 mégabits par seconde constant pour jouer en 4K, et là ils ont pas précisé 60 fps ou 30 fps. Bah, donc c'est 30, hein. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a que 5 mégas de différence entre le 4K, et qui est quand même une image 4 fois plus grande, donc il y a ça. Et puis surtout, c'est un service. Ils ont 10 ans d'avance, quoi. Il faut retomber sur terre. Après, on a une vision très franco-française sur la qualité des débits. Mais comme tu me disais tout à l'heure avant l'émission, Laurent, on n'est vraiment pas les mieux servis. Et par exemple, si tu prends les débits moyens à Singapour, c'est pas la même, hein. Alors, on est plutôt bien servi dans le monde. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'on est 23e au classement des débits dans le monde. Singapour, en moyenne, ils sont à plus de 60 mégabits par seconde. Hein, 64, je crois même. Attendez, je vais confirmer. En moyenne. En moyenne. Ils sont à 60,39 mégabits par seconde, Singapour. En deuxième, il y a la Suède. En troisième, il y a le Danemark. En quatrième, il y a la Norvège. Et après, la Roumanie et la Belgique. À savoir la Belgique qui est sixième, ils sont à 37 mégas de moyenne. Alors, ces moyennes-là, il faut arrêter, parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Cette moyenne-là, elle ne veut pas dire grand-chose, parce que nous, il y a de ça un an, on était à 18 mégas. Là, en un an, on est passé de 18 à 23, à plus de 23,24 mégas. Non, c'est l'inverse, 24,23 mégas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la DSL, il y a déjà énormément de personnes en France qui ont la DSL. Donc qui ont déjà un débit qui est entre 10 et 20 mégas. La fibre, elle, elle peut proposer des débits qui vont de 30 à 1 giga, donc 1000 mégas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens sur Paris qui ont des connexions de 880, 980 mégabits par seconde. Donc ces gens-là, ils font monter la moyenne. Donc 24,23 mégas, ça ne veut pas dire qu'il y a 50% des Français qui ont plus de 24,23 et que 50 ont moins. Bien sûr. Ça veut dire que si ça se trouve, il y a 80% des Français qui sont à 24 ou à 22, et puis il y en a 2% qui sont à 800. Donc, et ça, ce ratio, on ne le connaît pas en fait. On ne sait pas ce que c'est concrètement. Donc la fibre, elle va se développer, hein, parce que là, ils ont mis le paquet. Le problème, c'est qu'ils ont énormément investi sur la DSL et que la fibre, ça coûte cher, et qu'il y a une tendance à laisser un petit peu tomber, gagner du temps sur la fibre et passer sur de la 5G. L'inconvénient, c'est les ondes. On ne sait pas trop ce que ça va nous faire à long terme. Mais bon. En tout cas, c'est pas gagné. Cyril, tu voulais intervenir, il me semble. Pour à quel propos? Mais je sais pas, je t'ai entendu dire non. Ouais, non, mais parce que j'acquiesce au propos de Laurent, c'est tout quoi. D'accord. Voilà. Bon alors, pour en revenir quand même au cœur de notre émission. J'entends déjà certains auditeurs qui disent ouais, Ver4Player, qu'est-ce que vous nous racontez là avec votre Google Dacia là, qu'est-ce qu'on en a à péter? De toute façon, nous, ce qu'on kiffe, c'est la VR. C'est quoi le rapport? Et bien, le rapport, c'est que justement, on a l'impression que Google, avec cette annonce-là, est en train d'empêcher un petit peu l'évolution et le développement de la réalité virtuelle. Sylvion, t'en penses quoi, toi? Bah ouais, je vois ce que tu veux en venir, mais bon. Tout ce qu'ils ont fait Google, c'est être les premiers à annoncer le truc que tout le monde va faire un jour ou l'autre, je pense. Hein, le streaming de jeux vidéo, c'est tellement une bonne idée. Il faudra juste que ce soit compatible, effectivement, avec la VR, parce que tenir 60 images mini par œil, ça va pas être possible avec un casque. En 4K et en VR. En 4K mini, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est malheureux. C'est deux mondes qui se croisent pas. Et qui vont effectivement segmenter les joueurs et forcément encore plus segmenter le marché de la VR, qui n'a pas besoin de ça. Il y a déjà tellement de casques différents. Ça, tellement donc, de plateformes. Voilà, donc ça fait mal de ce côté-là. Hein, ça va dans la mauvaise direction pour les VRistes. Cyril ? Voilà, parce que je ne pense pas que Google s'attache pour l'instant énormément à la VR, quoi. Donc là, on a une vision très centrée sur nous-mêmes, hein, parce qu'on veut plus de puissance, on s'attache à la puissance d'une console ou d'un PC tout simplement parce qu'on joue en VR et qu'on a besoin de puissance. Et il y a des hardcore gamers qui veulent eux aussi de plus en plus de détails graphiques et en prendre plein la gueule à chaque fois qu'ils jouent. Mais il y a aussi une grande partie des joueurs qui sont des casual gamers, notamment les prochains joueurs sur Nintendo... Toy machin, hein, et qui s'en cognent eux par contre royalement de la 4K et des super graphismes. Pour moi, la 4K, pour eux, la 4K elle représente dans tout ça pas grand chose, et notamment les foyers en termes de téléviseurs, ils sont pas tous équipés de 4K, contrairement aux téléviseurs Full HD, quoi. Et je pense que Google, eux, ils ont ciblé une population. Déjà, on parlait des débits. Je pense que ça les arrange très bien de cibler une population qui sera sur du Full HD, parce que c'était ce qui était mis en avant durant l'event de Google. Hein. C'était surtout une résolution 1920 par 1080. Et en gros, la 4K, ça sera pour plus tard, et ils en sont très conscients. Mais pour satisfaire un peu tout le monde, ils parlent de 4K. Et puis, leur cœur de population, ça sera... les cozy old gamers, c'est du jeu qu'on a sur en 30 images secondes et puis pas plus quoi. Je pense que là on a une vision un peu trop centrée VRiste comme le souligne. On est là pour ça aussi. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. C'est que finalement le jeu en streaming, ça, c'est en l'état assez antinomique avec la réalité virtuelle. Et du coup, ce genre d'annonce-là et ce genre de service qui va aller en se développant et en se démocratisant, ça met un petit peu des nouvelles façons de jouer et des nouveaux devices comme la réalité virtuelle, comme les casques, un petit peu sur le bord de la route. Moi, je sais pas si vous connaissez le service Shadow sur PC, qui est en fait un service de streaming d'ordinateur, donc de système complet avec Windows 10, avec... avec tout ce que vous voulez installer dessus. D'ailleurs, après, c'est comme si mm-hmm. vous aviez votre PC qui est à 400 km de chez vous. Un PC virtuel. Et, exactement. C'est des solutions qu'on trouve assez communément en entreprise, d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment spécialisé dans le gaming. En plus, c'est une entreprise française et qui a un service qui est plutôt réputé quand même, qui fonctionne assez bien, qui demande 15 mégas de débit constant minimum pour fonctionner en bureautique. Donc, c'est pas non plus énormissime. Et je leur ai posé la question justement aujourd'hui, savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient du développement de la réalité virtuelle sur ce type de service-là. Et clairement, hein, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que on cherche, on essaye de limiter la latence au maximum. On est dessus, on essaie de trouver des solutions rapides, mais ça sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr et certain. Et quoi qu'il en soit, le réseau français, en tout cas, permet pas d'avoir d'avoir de la réalité virtuelle pour le moment sur un PC en streaming. Alors, je trouve ça bon. Il reste quand même assez optimiste et assez ouvert d'esprit et du coup je pense qu'ils vont essayer quand même de faire en sorte de pouvoir développer quelque chose d'ici quelques années. Mais en l'état, en tout cas, il n'y aura pas moyen de faire fonctionner de la VR sur du jeu streamé, quoi. C'est impossible. Et moi ça m'emmerde, quoi, parce que finalement j'ai pas envie de passer une génération à jouer en plat Nintendo après avoir Labo, passé 720p 30 fps, ce sera peut-être jouable. Et encore, parce que c'est une question de latence, de microsecondes, tu vois, le problème. C'est... Et de réseau national. C'est clair, et là-dessus, moi, j'irais même plus loin, parce que bon, Cyril parlait des joueurs, c'est tout à fait vrai d'ailleurs, qu'on est très axé VR, et finalement on est dans notre petit monde. Par contre, c'est jamais les joueurs qui ont fait un marché. Très rarement, en tout cas, c'est justement les industriels qui on se retrouve à une époque où on a deux technologies, comme tu disais, qui se font face et qui sont pas compatibles entre elles. D'un côté, la VR qui a un besoin de plus en plus de puissance, et de l'autre côté, le streaming qui eux veulent diminuer la puissance et diminuer la taille de l'image parce qu'ils savent qu'ils vont être limités et que d'ailleurs Google parle de 4K maximum. 4K maximum, ça veut dire que le gars qui sera avec 1 giga de débit, il aura 4K. On ne pourra pas monter plus haut. Ils ont dit aussi que dans les années à venir, ils espéraient pouvoir avoir de la 8K. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on comprend mieux la position de Microsoft, par exemple, qui se sont lancés, ils s'étaient carrément lancés officiellement en VR avec l'arrivée du projet Scorpio, donc la Xbox One X. Phil Spencer avait clairement dit dans les interviews à plusieurs, puis en plus on les a notés, on les a en vidéo, que Microsoft allait soutenir la VR sur Xbox One X. Et puis quand la Xbox est arrivée, tout d'un coup, pouf, la page sur la VR, elle a sauté. C'était une petite ligne qui disait que la Xbox était compatible VR et tout. Et puis après, hop, tout d'un coup, plus rien. Alors après, il y a eu une petite vague de personnes qui ont commencé à parler de l'AR, donc de la réalité augmentée, pour essayer un petit peu de freiner, de mettre en concurrence cette technologie AR qui n'a rien à voir. Hein, si on est dans du Pokémon Go ou dans de la publicité, c'est pas comparable à la VR, mais ils ont essayé quand même de se dire, ah, la VR c'est pas bien, l'AR c'est mieux. Et ils sont plusieurs, il y a Disney qui a balancé ça, il y a le PDG, il y a Tim Cook de Apple qui avait balancé ça, le directeur Wilson de Electronic Arts qui avait dit ça aussi, et Phil Spencer. Donc déjà, on sentait qu'il y avait une partie de l'industrie qui essayait de freiner le truc, la VR. Et là, les dernières nouvelles, c'est que Microsoft, qui leur a posé la question pour savoir si ils envisageaient sur la Xbox Anaconda ou Scarlett, enfin je sais pas comment elle s'appellera, s'il y aura de la VR, et il y a toujours pas de réponse. Ils en sont pas sûrs. Donc pourquoi ? Ben parce que eux, c'est clairement, de toute façon, c'est le streaming qui les intéresse, c'est de vendre, comme tous, hein, c'est plus rentable de vendre des abonnements plutôt que de vendre un casque. Et du coup, s'ils sont dans la position, le streaming, le streaming, ils savent que ça peut rapporter de l'argent si ça marche. Et la VR, de toute façon, on ne pourra pas l'apporter en streaming. Donc, il faut qu'il y ait ces deux technologies, il faut qu'ils fassent un choix sur les deux, en fait. Alors, Sony, la solution à tout ça, ça reste quand même une console comme la console virtuelle de Google qui puisse permettre de faire du streaming et vendre des abonnements. Et en parallèle, sur la console qui a un gros disque dur et qu'on puisse télécharger des jeux en VR dessus. Donc là, on aurait un produit hybride entre les deux. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas une fausse. La bonne question, c'est est-ce que le tout streaming va pas tuer la VR à terme ? Lequel des deux va se dégager ? Ouais. T'avais un truc à. Ouais, je pense que il faut voir l'approche de Google. Google, ils veulent mettre un pied dans l'industrie du jeu vidéo. Mais ils vont pas le faire en se mettant sur un marché de niche tel que l'est la VR, quoi. C'est là ils se positionnent sur le streaming, mais ça veut pas dire que ils vont pas faire d'acquisition de studio. Ils vont se désintéresser totalement et à jamais de la VR, quoi. Moi je parle là de l'approche de Google, hein. Je pense que c'est l'avenir, le streaming. Je suis comme tout le monde, hein. À l'heure actuelle, je suis un paysan, j'ai pas la connexion qui me permettra d'y jouer avec profit, on va dire. Ça me fait chier après pour la VR, mais il faut se positionner par rapport à eux, à leur point de vue, sans oublier aussi que Mountain View, ils sont un peu dans leur univers aussi, c'est connu, hein. Et ils pensent que tout le monde est comme eux, donc c'est-à-dire un super débit, et ils oublient un peu, ils font abstraction de tout le reste et ils oublient que le monde n'est pas comme à Mountain View, et ça peut leur jouer un tour. S'ils se sont écartés du chemin universel, ça va leur jouer un tour, par contre. Ouais. Et toi, Sillon, t'as hypé ou pas? VR, encore danger, toujours, quoi, avec cette histoire de streaming. C'est une technologie qui est peut-être pas compatible avec la VR. Encore qu'il faut toujours être optimiste avec la science, ça évolue tellement vite que demain, peut-être qu'on pourra faire des trucs qu'on pensait pas possibles aujourd'hui. Après, Google, enfin, cette conférence, pour moi, c'était un défilé de fashion geek avec Jade, qui est directrice du studio, enfin. C'est un effet d'annonce, c'est beaucoup trop tôt, je sais pas. La conférence m'a pas du tout hypé, j'étais très déçu de la conférence, même pas une image d'un casque, ça veut dire qu'ils peuvent pas le faire. Et comme disait Cyril, ils s'y intéressent pas, ils vont pas se cantonner, enfin ils vont pas même pas mentionner la VR. Mais voilà, pour moi c'est lointain, c'est très lointain, donc je pense que ça met pas en péril la prochaine génération, peut-être que ça va segmenter le marché, ouais. Ça, c'est clair, à la prochaine. Ni le modèle économique actuel, quoi. C'est l'avenir, mais d'ailleurs on l'a vu, hein, il y a eu des couacs, hein, durant leur conférence, hein. Enfin, ouais, chez moi, je pense que chez vous c'est pareil, il y a eu deux jolis couacs où on voyait plus rien à l'écran, quoi. Donc c'est quand même assez révélateur. Et là je sais pas le débit en combien il était, mais bon. Et autre chose, ce qui m'interpelle, la latence aussi. La latence sur scène, quand il a pris sa manette et qu'il a été qu'il est passé du téléphone à l'ordi et tout, il a appuyé quand même 4 fois le doigt sur le bouton avant que le personnage y saute. Et ils sont quand même censés avoir une connexion de malade lors d'une conférence comme ça. Donc même avec des gros débits, apparemment, ça marche pas non plus leur truc. C'est ça qui m'interpelle sur leur projet et leur conférence. C'est-à-dire qu'ils ont prôné à tout va la fin des limites qu'imposaient les consoles actuelles et sans doute la prochaine génération, alors qu'eux-mêmes se limitent déjà par rapport au débit de chacun, et aussi la communauté, la global community, ils n'ont pas arrêté d'en parler, sauf que la latence oblige. Pour jouer à un jeu solo, il n'y a pas de souci, hein, je pense que ça sera possible avec le streaming, mais jouer en multi, et ce qu'ils prônent, c'est que du multi, ça va être compliqué. Ouais. Hein. Moi, je vais péter un câble, hein, c'est sûr. Tu crois ? Ah ouais. Bah disons qu'on va pouvoir trouver un coupable quand on perd, ça sera le débit. C'est ça, ça sera plus la manette, en fait. Ouais, ça sera plus la manette qui prendra. C'est pour ça qu'ils ont fait qu'une manette. Ils peuvent faire maintenant des manettes en carton. Elle est laide, en plus, cette manette. Et, ouais, c'est ça, la manette, on en parle ou pas? Parce que, putain, c'est quoi ce truc? Dégueulasse. C'est un pad qui pourrait être fabriqué par n'importe quel fabricant chinois ou hindou. Indien. Donc vous avez vu avec la particularité de deux boutons, un bouton share, déjà vu sur PlayStation, et un bouton aide, en fait, quand vous êtes bloqué, vous appuyez sur ce bouton. Et bonjour, je peux vous aider? Non. Dépêche-toi, ouais, ça, je suis poursuivi par un dragon. Mais j'ai pas de débit, je peux pas te dire. J'ai pas de débit, ouais, aussi. Vous savez, c'était bizarre un peu cette conférence là où ils ont quand même, on a senti qu'ils essayaient de nous faire avaler leur projet, quoi. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, vous avez vu le nombre de pouces sur qui était négatif. Enfin, ouais, c'est assez révélateur. Alors on peut dire que c'est les aigris de la life qui ont voté, mais les gens sont pas chauds. Mais après, faut pas se leurrer, hein. C'est l'avenir. C'est l'avenir, mais on est malheureusement, mais ouais. Ouais, mais à court terme. Ça marchera jamais pour une seule raison, et on l'a pas dit quand même, on l'a pas assez répété, à cause du nom tout pourri. Ça veut dire quoi Stadia ouais, alors hein, ça vient du stade. Google Bravia là, ou Vania là, c'est ça? Stagna. Stagna, Sparta. Gnagna, Vania. Comprends rien, comprends pas. Nadia. Nadia. Nadia aussi, c'était là. Soria. C'est vrai qu'on galère pour se souvenir du nom un peu quand même. Google, ils ont dit qu'ils ont fait référence à l'évolution des jeux depuis la nuit des temps. Donc leur spot d'ailleurs était axé là-dessus, où on voyait des combats de gladiateurs, les footballeurs, et ils l'ont appelé Stadia en rapport au stade du jeu en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est pas un nom quelle bonne idée. Qui fracasse quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est non. Non c'est... Après, ça passe peut-être partout, mais Ça passe peut-être mieux dans d'autres pays, mais en France, c'est vrai que ça fait bof. Stadia, ouais. Stelvia, enfin, je sais pas, ça fait. Fait agence. Ça fait médicament un peu. Ouais. Mais non, mais pour en revenir à tout ça, là, ce côté, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que quand Sony se sont lancés en VR, Microsoft, Nintendo et les grands du marché ont tous dit que c'était trop tôt. Et c'est marrant parce que on est aussi sur ce concept de streaming, sur quelque chose qui c'est comme la VR, ce sera pas nickel dès le début, faut pas rêver quoi. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, dans le développement, ceux qui disent que c'est trop tôt de lancer quelque chose, c'est ceux qui sont déjà en retard. Mmh. C'est-à-dire que si t'es pas moteur justement des nouvelles technologies, des nouvelles façons de développer des jeux ou de les distribuer, t'es en retard. Ceux qui disaient à l'époque le tout dématérialisé, ça marchera pas et c'est trop tôt, ils étaient déjà en retard. Ça fait déjà 15 ans que ça existe avec les plateformes. Surtout sur PC. Maintenant, c'est complètement développé. Et ceux qui ont les idées d'hier, c'est un mouvement. On pourra pas contrer ça. C'est pas possible. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut garder quand même à l'esprit. Il n'y a pas lieu à le contrer non plus. Voilà. Mais au contraire, s'il faut plus de débit pour qu'on puisse avoir un service fonctionnel et surtout après de la VR, moi, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir que les opérateurs téléphoniques. C'est là où je grince des dents. Parce que s'il faut attendre encore 15 ans pour arriver à avoir de la 8K à 100 FPS dans un casque VR, non, là maintenant on a démarré la VR, faut plus s'arrêter quoi. Ça tuera pas non plus les machines actuelles, enfin les machines physiques on va dire. Donc de toute façon tu auras toujours une proposition réalité virtuelle et même jeu plat classique sur des machines physiques, classiques. C'est justement là où c'est drôle quoi. Ce qui m'interpelle dans ces histoires, c'est que Sony, en fait, tous les autres ne se sont pas lancés dans la VR, je parle sur console, et ils ont regardé Sony, voir si ça allait marcher, voir si ça allait. Et si ça avait vraiment, vraiment cartonné, je peux être sûr qu'il y aurait un casque chez Microsoft et un casque chez Nintendo. Ben, au final, on a un casque en carton. Mais, et là, Google, ils viennent d'arriver, mais tous les autres, ils vont rien faire là. Ils vont les laisser faire, ils vont voir comment ça tourne, voir comment c'est accueilli. Le pire qui puisse leur arriver, c'est que ça explose chez Google, parce que là ils sont largués quoi. Mais il y a quand même le débit qui va quand même en coincer. Moi la latence que j'ai vue où le type il appuie 4 fois sur un bouton pour faire bouger un personnage durant une conférence mondiale, c'est qu'il y a forcément et puis un débit, il faut pas oublier que c'est pas stable non plus. Vous allez avoir alors Google annonce allez, on a 30 mégabits à la maison. Chouette, je vais pouvoir jouer à la 4K. Je rentre le soir, j'ai deux enfants, j'ai une sœur, j'ai un papa qui va être sur l'ordinateur, une maman qui va regarder la télé et une sœur qui va être sur YouTube. Du coup, j'ai plus 30 mégas, j'ai 20 mégas. Même pas. Et en fonction, il va falloir, ça va finir en baston général dans les familles parce qu'ils vont dire, oh, attention, j'allume la Vania. Ça donnera de la vie. Et c'est ça la global community, tu vois, c'est vivre ensemble. J'allume la Vania, les gars. Vous avez pas le droit de passer ni vos téléphones ni rien. Papa est avec Nadia. Ouais. Quoi? Puis ça fout la merde. Puis voilà. On va se reparler dans les foyers. C'est bien ça. C'est la global community. Alors, ça vous a gueuler, pas surpris ce global community? On pourra même pas lui envoyer sa console dans la gueule parce qu'elle n'existe pas. Bah, t'auras ton téléphone puisque tu seras quand même obligé en ou ta manette. Ta manette. Ouais, la manette. Comment d'ailleurs? Plus on dirait un boomerang. C'est pas mal. Stadia là. Stadia. Ah, là, non. de manette. Mais c'est ça, c'est ça. C'est que pour l'instant, sur le papier, ça fait rêver, c'est magnifique. Ça va sortir. Quelques privilégiés un peu geek, bobo, vont pouvoir, qui ont des débits de fou, vont pouvoir récupérer ça. Et c'est une chance, hein, parce qu'on serait les premiers à le faire si on pouvait. Maintenant, concrètement, c'est quelque chose qui va démarrer doucement, comme la VR. Il va falloir du temps, il va falloir améliorer les services, et c'est pas quelque chose qui arrivera. Disons que c'est là où je suis maintenant sûr du truc, là où j'avais un doute, c'est que s'ils avaient sorti une console physique, ils rentraient vraiment dans le marché des consoles de la prochaine génération. Là, pour moi, ils ont une génération d'avance sur les autres. Sans trop se démarquer en plus. Voilà, voilà. Donc après, finalement, la génération suivante, ben tu vas hey, moi j'ai joué à la gnagna à la maison, c'est super, je fais du 1080p et je suis à 30 fps, et dès que ma sœur elle allume son téléphone, je perds ma partie, parce que et puis en face t'as le mec, ben moi j'ai une PS5 et une Xbox 2, et moi je suis en 4K 60 fps, et ça marche très bien, et en plus je peux et téléphoner, ouais, regarder la télé. Et là après ce choix de Google de pas sortir de console, et j'ai la VR, c'est peut-être et fort t'as aussi, la VR, hein. Et t'as la VR en plus, ouais, c'est vrai. Ce qui ne gâche rien. Le choix de ne pas sortir de console physique de la part de Google, c'est peut-être pas faux non plus, dans le sens où on se souvient du fiasco des Google Glass, des téléphones. Ça n'a jamais trop fonctionné, hein, les téléphones Google. Mmh. Alors est-ce qu'ils n'ont pas le syndrome un peu comme Microsoft, où très bon dans le software, on va dire, et ouais, dans le hardware pas du, et dans pas le du hard, tout. Donc, ça va avec leur image, possible. Google, c'est, ouais, c'est immatériel. Ils n'ont jamais réussi à s'imposer sur un marché qui était déjà pris par de la concurrence. Ah. Mmh. Oui, donc c'est pour ça leur positionnement, il n'est peut-être pas, ouais, faux, quoi. Après, si ça ne fonctionne pas, ils n'auront pas de remords à couper la branche. Ben, pas de remords, tout leur serveur là, ça a dû coûter une blinde, hein. Franchement, je sais pas ce qui coûte le moins cher. Quand ils ont de la ressource. Je me rappelle plus des chiffres, mais il disait qu'il y avait 7000 serveurs dans le monde qui étaient positionnés déjà en place pour avec des conduits de fibre optique et tout le tralala. Non, ça à la limite, c'est pas ce qui m'inquiète. C'est pas ce qui m'inquiète le plus, quoi. Mais justement, on ne sait pas, le modèle économique n'est pas très clair, on ne sait pas combien ça va coûter encore. Hein. Oui, et ça sort cette année. Hein. Ça sort cette année. Parlons-en du modèle économique. Alors, admettons, combien coûte une console ? Je vais faire un petit jeu. Combien coûte une console ? Allez, 500 euros ? Combien de jeux vous achetez en 400, par an ? Le bon prix, c'est 400, 500, mais c'est moi, je préfère payer plus, ouais, à 500, ouais. Ça veut dire que c'est encore. Combien de jeux vous achetez par an ? En moyenne, c'est, ouais, combien ? C'est 4, nous, c'est peut-être plus. C'est beaucoup trop. Non, en étant actif. Ils ne payent pas, nous. Ouais, c'est vrai, c'est les éditeurs, ils nous les donnent. Doritos. Ouais, non. Ouais, non, je crois que la moyenne, c'est 3, j'achète des jeux, hein, VR, ouais. On va dire 5 jeux par an. Donc 5 jeux, ça a changé, les gars, maintenant. Ouais. J'ai l'impression que. Avec les abonnements, tu achètes beaucoup moins tes jeux. Non, justement, dans le contraire, moi j'ai l'impression que depuis quelques années, j'ai de moins en moins de temps de jouer, mais j'en achète de plus en plus, notamment c'est en VR, parce que tu justement. Vieillis, ça y est. Ouais, non, mais ça je veux bien l'entendre. Mais tu vois, j'achète bien, je dirais, entre 10 et 15 jeux par an, quoi. Mais facile, ouais, hein. D'accord, donc tu te retrouves ça, d'accord. Hors expérience, hein. C'est parce que ton salaire augmente tous les ans, et que t'es vieux et que t'as du temps. Le problème n'est pas et ton cas n'est pas une problème, majorité. Voilà, tu t'ennuies et tu t'ennuies ah beaucoup. Non, vraiment pas. C'est ça. Ah non, vraiment pas, non. Vraiment pas. On m'ennuie par contre, ouais, ça on m'ennuie beaucoup. Tu as besoin de t'évader, c'est ça. C'est ça, dans des mondes virtuels. Donc bon, je pense que la moyenne c'est pas 15 quand même. Allez, on peut dire 10 pour faire les là on est déjà bien à 10 jeux. Donc on va dire 10, 40. Je pense et 40 et jeux. En comptant aussi avec les abonnements, les jeux gratos que tu as par exemple avec le PS Plus ou le Xbox Gold, hein. Non, là on parle de aussi, ouais, que t'achètes. Non, on parle de jeux achetés. Tu parles d'achat, d'accord. Ils sont pas tous à 70 balles. Il y en a, ils sont à 40, il y en a, ils sont je crois que j'ai plein de jeux à 20 balles. Il y a plein de jeux, voilà, donc on va dire que ça fait combien ça ? Une moyenne de jeux à 40 balles, on va dire, 35 balles. Il y a des jeux à 70, mais c'est les gros titres. On va dire 40 balles, 40 balles. Alors, il a sorti son placé, 7, il est content. J'ai réussi à le placer, tu vois. Donc sur 4 ans, on partirait, on va dire, 7 jeux. Allez, sur 4 ans, ça nous ferait 28 jeux. 28 jeux à 40 balles, ça nous ferait 1120 euros. Là-dessus, on rajoute 500 balles de console. Ça nous fait 1620 euros sur 4 ans. Et en plus, tu fumes ça, et bien dis donc. Hein. Voilà. Maintenant, on divise ça par voilà. mois. Ça, avec un abonnement à 30 balles, on aurait dépensé la même chose que, ce que si on avait acheté une console physique. Et combien de jeux j'ai dit 28. Ouais, 28 jeux. Ouais. Tu vois, Madame Sey. Oui. Eh. Mais oui, c'était mais ça ou les études du petit. Mais c'est très surfait, hein. Tu sais, tu peux faire très peu d'études et puis faire des bonnes formations maintenant. Enfin, bon, t'es le bon père. Oui, c'est vrai en plus. Mais, non, mais... Et alors, ça nous fait rebondir sur un autre problème, un autre sujet. C'est que du coup, avec nos 28 jeux, la plupart du temps, bah, on y joue parce que ça nous a coûté déjà pas mal de ronds. Quand on aura un truc où on aura tous les jeux qu'on veut à volonté, combien de jeux on va dépasser le premier niveau? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un phénomène qui est réel. Est-ce que les développeurs vont pas se tout mettre sur le premier niveau et à la fin, on aura des grosses fins toutes merdiques ou des jeux pas finis carrément? Juste parce qu'ils savent que 90% vont pas les finir parce qu'ils ont déjà 300 jeux à la maison. Ou plein de jeux multijoueurs aussi pour que tu joues tout le temps. Game as service, ouais, comme ils appellent ça. Ouais. Mais du multi, on y est dans le multi. Ouais. Hein. Je voulais en parler d'ailleurs, le multi, vas-y, avec ce mot-là à la bouche, c'est la global community, c'est réunir tout le monde sur le même truc, mais du coup, c'est maquillé en. Sous couvert de cette global community, on nous pend que du jeu multijoueur. En gros, on a affaire à une coquille vide. Extérieurement, c'est super joli. On met le paquet sur les textures et tout ça. Et au final, au niveau gameplay, il n'y a rien. Mais t'as vu ce qui cartonne aussi en ce moment ? T'as vu ce qui cartonne ? Ce qui a ramené le plus de pognon cette année, depuis le début de l'année. Voilà, des jeux gratos avec microtransactions. Et là, les studios se font des couilles en or en copiant-collant toujours le même concept. Oui, sauf que là, attention, c'est un gros phénomène de mode, mais personne derrière Pokémon Go a réussi à faire ce qu'a fait Pokémon Go. Et ça sera pareil pour Fortnite. Et les types, ils vont tous sortir leur et ils vont se partager les miettes qui restera au sol. Après, ils se font quand même des bonnes miettes. Hein, aux dernières nouvelles, ils se faisaient un million, je crois, de bénéfices depuis qu'il est sorti. Hein. Oui, mais dans l'année, il va y en avoir 5-6. Et comme ça, il va y avoir un Star Wars comme ça aussi. Il y en a plein qui sont morts. Au final, il va y avoir un nouveau. Il faut toujours être les premiers. C'est l'innovation qui paye finalement. Et là, y a toujours tous les suiveurs qui vont foncer dessus. T'as vu les milliards qu'ils ont fait avec. Mais c'est trop tard. Déjà, quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. T'avais vu d'ailleurs Disney, ils cherchent un. Ils embauchent pour des jeux Star Wars. Ils vont refaire des jeux et qu'il y a des connaissances en VR et AR. C'est juste une petite parenthèse. Ah ouais. Il y a une série. Electronic Arts qui va faire ou non? Enfin, c'est pas. Eh ben. Electronic Arts en VR. Parce que là aussi, un bel exemple de jeu multi, hein, Battlefront, hein, catastrophique. Très beau, mais. Il y a une série creux, quoi. Sur Star Wars qui est prévue aussi. Ah ouais, en VR, franchement, une série en VR sur Dark Vador qui va sortir. Cool, ah oui, putain, tu me mets un sable laser au bout du move et puis tu découpes. Ça va sortir. Les gens, sur Oculus, je crois, ça va sortir. Mais joue à Beat Saber, c'est déjà un bon début, tu verras. Ouais, mais il y a de la musique. Moi, je veux couper du Jedi. Bah, tu peux mettre la musique de. Je veux pas couper des cubes qui bougent. Tu le fais bien. Je veux couper du Jedi. Psychopathe. Enfin, la communauté, ça reste quand même le multi, ça reste le visiblement actuellement le modèle économique de beaucoup d'éditeurs quoi. On passe Electronic Arts qui a pondu que ça ces derniers temps. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est Ubisoft. Ubisoft, je sais pas si vous vous souvenez de leur dernière conférence lors de l'E3, c'était le seul mot à la bouche, communauté par-ci, communauté par-là, et vas-y, et vas-y. Et au final, on a quoi ? On a du multi. Et c'est pas pour rien qu'on a retrouvé Ubisoft dressé en grande pompe lors de la conférence de Google. Je trouve que là, le mariage est en train de bien se faire. Et ça m'inquiète pour Ubisoft, parce que nous avait habitué à proposer, certes, du multi, qui était pas mal sur des jeux comme Wildlands ou autre, ou Siège. Mais j'ai l'impression qu'on tend vraiment maintenant vers ce, que ça. Et ça se retrouve, là, donc je fais une translation, sur leur dernier jeu VR qui est sorti, Space Junkies, qui est pour le coup crossplay. Alors ça, c'est pas nouveau chez Ubisoft, notamment pour les jeux VR. Ils font ça depuis le début. Alors ça a une logique économique, à savoir toucher le plus grand parc de casques possible. Mais là, pour le coup, celui-ci, il est uniquement multijoueur. Et là, je pense que aussi bien le crossplay que le fait que le jeu soit multijoueur, il y a une réelle philosophie derrière tout ça. Et j'aurais bien aimé que Adrian, le chef d'équipe du jeu Space Junkies, vienne un jour sur le podcast pour parler un peu des choix qui ont été faits. Si lui, il a eu le choix d'orienter le jeu, si ça vient de lui qu'il a orienté le jeu uniquement multijoueur, ou pas, parce que là on se retrouve avec un jeu qui est graphiquement pas trop mal. Alors ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous avez pu installer la bêta ouverte qui était disponible pendant quelques jours avant la commercialisation du jeu. Donc le jeu est pas mal hein, graphiquement, c'est bien qu'il y ait un léger flou quand même. On est affaire à un jeu crossplay, c'est-à-dire que vous pouvez jouer donc avec contre des opposants aussi bien sur PSVR que HTC Vive, Windows Mixed Reality ou bien Rift. Donc ça c'est sympa, il y a du monde, du moins sur la bêta il y avait du monde. Hein. On n'a jamais patienté longtemps pour avoir les 4 joueurs puisque c'est jusqu'à 4 joueurs. Mais après l'intérêt du jeu il est où? Et c'est ça, c'est le multi, est-ce que ça va pas à terme, là j'extrapole, est-ce que ça va pas à terme flinguer un peu le jeu vidéo aussi hein. C'est pas pour rien que les studios indépendants grimpent, et des gros éditeurs comme Electronic Arts se sont ramassés ces derniers temps avec leurs jeux comme style Battlefront, parce qu'il y a quand même une recherche de gameplay de plus en plus, et moi le premier, j'en ai marre de ces jeux super beaux, super léchés, mais vides quoi. Je pense que vous en pensez quoi? Alors, vas-y, vas-y Laurent. Là, il y avait de la latence là quand même. Hein. Non, je voulais savoir s'ils avaient quelque chose d'autre à dire, Sei et Sylvion. Moi, j'aurais quelque chose à dire dessus. Hein. J'ai une idée. Mais vas-y, après toi. Alors, non, moi, pour moi, ils ont placé leur bille et c'est pas con. Parce que finalement, ils sont avec la Vania. Sur le côté streaming, si ça démarre, eh ben, ils sont bien placés de ce côté-là. Surtout que de toute façon, tous les éditeurs de jeux vidéo vont pencher sur le modèle de ne plus avoir d'exclusivité pour avoir leur jeu sur toutes les plateformes. Et puis d'un autre côté, imagine, Google fait un méga bide, mais je te parle d'un bide monumental que finalement ça ne fonctionne pas, comme les Google Glass, comme c'est trop tôt et les gens n'ont pas le débit suffisant, et même avec un débit suffisant, il y a de la latence, ça saccade, ça pose problème. Au final, ils sont bridés même avec 15 ou 20 ou 30 teraflops, ils sont bridés par ce débit, ça fait un flop. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les constructeurs, ils vont tous se recroqueviller sur la VR. Et c'est là que le parc de casques va pouvoir peut-être monter. Et justement, Ubisoft, ils mettent un peu de billes en VR, ils mettent un peu de billes en streaming, et puis ils attendent de voir comment le vent va tourner, quoi. Parce que pour l'instant, personne ne le sait, en fait, comment ça va tourner. Sinon, t'en penses quoi, toi? C'est une approche surprenante quand même pour... Les jeux multi, donc, sans à coque vide? Vide, pardon. Oui, pour moi, c'est après, c'est mon avis. Hein. Je pense que tout le monde ne le partage pas, mais. Simplement que c'est plus facile à faire. T'as moins de, ça coûte moins cher aussi, et ça occupe assez longtemps. Il y a toute cette logique de box qui fonctionne toujours. Mais ouais, Ubisoft, ils ont toujours fait des jeux multi. Enfin, toujours non, mais regarde The Division 2, est sorti. Space Junkies. C'est un genre, faut pas non plus cracher dessus en parce VR, que c'est correct. Multi. C'est un intérêt très arcade, mais et déjà les premiers retours, les gens, c'est assez mitigé. C'est ou bien ils aiment bien vraiment, mais t'en as beaucoup qui critiquent le fait que c'est pas très dynamique, que en fait c'est comme Star Blood et que ça va finir comme Star Blood Arena, qui s'arrête au mois de juillet ce jeu. Hein, donc l'achetez plus peut-être quand même. Parce que là, c'est vraiment la fin de vie, là. Hein. Parce que on se rend compte pour Space Junkies, là, c'est une bonne opération de com hein, qu'ils ont fait sous couvert d'une bêta ouverte. C'est une démo, c'est, on a quasiment accès au jeu. On nous fait croire qu'il va y avoir en 3 jours une mise à jour profonde de suivant les retours. C'est faux. Là, on nous appâte en nous faisant comprendre, comme vous voyez, c'est fun, c'est sympa, il y a du monde sur les serveurs. Mais par contre, au moment de la commercialisation, à 40 boules, ah ouais. Il y aura sans doute moins de monde. Il y a peu de contenu aussi, je crois, quand même, au lancement. Hein. C'est pas énorme. Hein. Oui. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est la jouabilité à la manette sur PSVR. Oui. C'est un gros point noir, ça, apparemment. Ah bah oui, tu le vois. Ça, c'est gênant. Après, il faut pas oublier, le jeu a été fait à la base pour seulement les casques PC. Hein. Ouais. C'est une adaptation qui a été faite. Ouais, mais c'est une aberration de jouer à la manette alors que tu jongles avec deux flingues. Les premiers retours sur la bêta, tous les mecs sur PSVR, ils se sont fait exploser par les mecs sur PC. C'est dommage d'ailleurs, on ne voit pas à qui on a affaire. On ne voit pas à qui on a affaire, si c'est un joueur PSVR ou un joueur PCVR. Ça serait sympa parce que moi, je me suis pris branlé au début. Hein. Et on est tous égaux devant le jeu vidéo. Oui, tu vois. Ça serait bien qu'il y ait des différences. Ouais, qu'on voit les joueurs PSVR, ils ont une tête de Jar Jar Binks sur le truc. Puis, déjà, d'avoir cette manette, Et les autres, ils les lynchent. C'est ça. Oh, de la viande fraîche. Sur la manette, c'est déjà comparé à avoir une arme qu'on prend dans sa main droite ou dans sa main gauche. On est déjà décentré, donc je sais pas si en y jouant, moi j'ai eu vachement de mal à suivre mes ennemis et arriver à intégrer ce déplacement du curseur qui était induit par ma manette, quoi. Ça a été compliqué. Alors on s'y fait, mais de toute façon sur PSVR pour l'instant on n'a pas le choix, donc c'est que la manette et nos fameux PlayStation Move peuvent pas faire le boulot sur ce jeu-là. Ouais, effectivement, ça serait vraiment intéressant de pouvoir en discuter directement avec les développeurs, donc la porte est grande ouverte en tout cas si ils le savent, qu'elle est ouverte. Voilà. Si un oui ou un non, ça suffira, ils comprendront le message. Borderlands ça a bien été patché, donc voilà. Pourquoi pas. Ouais, mais c'est du solo. Ouais, bon, on verra bien. Et puis sur cette histoire de Space Junkies, le souci c'est que on n'est plus au mois d'octobre 2016. Là maintenant, on a connu Starblood, on a connu Valkyrie, on a investi sur des jeux multi et on s'est aperçu qu'au final, même Eagle Flight, au bout de quelques mois, il y avait impossible de faire une équipe de 6. Et c'est le gros souci, c'est que le marché est trop petit pour même en crossplay, c'est déjà délicat parce que non seulement il y a tant de millions de casques de vendus certes, mais si les catalogues suivent pas, parce que du coup on se retrouve avec des gens qui vont jouer sur console et les casques qui vont finir qui finissent dans des tiroirs, donc il faut en permanence relancer le truc et c'est là où c'est un calcul bizarre. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas une petite partie scénarisée solo qui puisse rehausser le tout. Mais ça peut évoluer aussi. Hein. Ouais. Bon, si c'est pas prévu dès le départ. Oui, voilà. Oui. En tout cas, on verra ça une fois que le jeu sortira. Comme d'habitude, on fera le test. Et on en reparlera certainement aussi en podcast. Hein, une fois qu'on aura un petit peu plus de matière sur le produit final. The Space Junkie d'Ubisoft. On sait quand est-ce qu'il sort celui-là ou pas? Oui, le 26 mars. 6 mars non. Le 26 mars. Tu as dit 26, hein, c'est ça? 26. Hein. Ah, pardon, 26 ça a coupé. 26 mars, ouais. Ça a coupé, excuse-moi. Ça a coupé. D'accord. Le 26 mars. Ok. Ok, donc on verra tout ça. Quand? Hein, quoi? C'est vrai que nous, on a aussi beaucoup de latence chez nous, là. Hein, avec nos ouais, mais on est des paysans. Connexion de paysans. Enfin bon. Il y avait une conférence pendant la GDC spéciale réalité virtuelle. Cyril, qu'est-ce ouais, que tu... Alors, la GDC avait aussi son secteur VR. Alors, toujours pareil, côté PSVR, pas d'annonce hormis l'arrivée prochaine d'Angry Birds. Et puis rien d'autre pour le PSVR, mais la VR ne se limite pas au PSVR. Donc pas mal de studios étaient présents, Fatherlock Interactive... tu as joué à leur jeu Say dans Final Assault, Survios, ouais. Vertigo Games avec notamment Skyward qui sort lui aussi sur le 26 sur PSVR et Skyward Kingdom Brawl. Beat Games était également présent, à qui on doit Beat Saber pour parler de Beat Saber sur le casque, j'ai mangé le nom, le casque Oculus Quest. Ah oui. Bref, il y avait pas mal de studios, il y a eu pas mal de vie. Mais c'est plus du côté du hardware que les choses ont bougé, et ça montre l'investissement toujours important dans ce secteur, dans la VR. Donc c'est Oculus qui a présenté son casque Rift S, qui est une grosse mise à jour du Rift, notamment avec cette fois-ci un écran LCD et non plus deux, avec une résolution de 2560x1440, ce qui apporte environ 40% de pixels en plus, 5 caméras embarquées pour le tracking, un halo similaire à celui du PSVR, avec une dragonne supérieure pour contrebalancer le casque, car celui-ci il est plus lourd que la version Rift initiale. Il y a HP aussi qui a annoncé son casque Reverb, ça tu pourras en parler toi, Sei, puisque tu es branché HP. Ouais, je sais même plus comment il s'appelle le mien d'ailleurs, c'est un WMR mais je sais même plus comment il s'appelle. L'Oculus Quest aura droit à une version de 128 gigaoctets. HTC a lancé le finger tracker pour ses casques Vive et Vive Pro. Alors ça sera pas forcément pour les jeux mais plus pour des applications à but industriel. Et Qualcomm a aussi annoncé le Neo Pico 2 pour le deuxième semestre. Ça sera un casque autonome pouvant se connecter en Wi-Fi à son PC, quoi. Donc pas mal d'annonces durant cette GDC. Par contre, le grand muet, ça a été Valve. On en attendait beaucoup, notamment les rumeurs de leur fameux casque. Voilà. On a les Knuckles, on n'a pas le casque. Ouais. Et Doug Lombardi, le représentant de Valve, a confirmé que la VR était toujours importante pour eux. Mais qu'à court terme ou dans un proche avenir, ils allaient en parler beaucoup plus, et notamment sur ce qui se passera en VR pour la plateforme Steam. Mais sinon, c'était pas le moment d'en parler pour eux, donc c'était les grands absents, on attendait beaucoup. Mais je pense que Oculus a frappé fort quand même. Voilà, donc ça bouge en VR, hein. Il n'y avait pas que la GDC, ça se résume pas qu'à Google, quoi. Voilà. Oh ouais. Mais ce casque a l'air quand même vraiment, vraiment cool, hein. Le Oculus Rift S. Oui, je pense. Là, on commence à avoir des trucs qui tiennent la route en plus. Oh, ouais. Franchement, il donne vraiment envie celui-là. Il le rendrait compatible PlayStation, tu vois. 450€. Ouais. Hein. Ouais. Oui, mais je m'en suis mis pour 600 balles pour le PSVR avec les moves et la caméra. c'est vrai. Honnête, hein, comme prix, ça va. Je suis sûr que ça allait vaut. Concernant la GDC, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est Epic Games. Qui étaient quand même présents, qui ont un fonds d'investissement pour les développeurs et qui avaient commencé à donner un fonds qui s'appelait Unreal Dev Grants, c'était en 2015. Et ils ont donc le fonds était terminé, là, tout l'argent avait été distribué aux développeurs, et notamment il y a énormément de petits studios qui ont fait des jeux VR qui ont commencé grâce à ce fonds. Et ils viennent d'annoncer qu'ils renouvelaient l'offre, mais par contre, c'est un chiffre record de 100 millions de dollars. Qui vont mettre dans l'enveloppe pour les petits développeurs, pour les aider à se lancer. Et il y a énormément de studios VR dans le lot. Donc monsieur Google, monsieur Microsoft ou monsieur Nintendo, ou ben vous voyez Epic Games, ben ils investissent 100 millions de dollars en VR quasiment. Parce que... Mais eux, ils ont tout compris en ce moment de toute façon. Voilà, et leur plateforme, elle est sortie et déjà, elle était compatible VR. Justement, le premier jeu qu'ils ont offert, c'était un jeu qui était full compatible VR, c'était Subnautica. Ça va. C'est quoi, on en a déjà bien parlé. C'est une pensée pour toi. Oh bah c'est bien. Petit coucou à Spanx. Et c'est un très bon jeu, et compatible direct, et ça fonctionne très bien. Et justement, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux jeux VR qui vont débouler. Et certainement qu'il y aura un petit contrat derrière pour qu'ils soient en priorité sur la plateforme d'Epic Games, à savoir sur les studios, en fonction de la taille du projet et de l'ambition du projet et de la qualité du projet, ils vont offrir des enveloppes de 5000 dollars à 500 000 dollars. Ah, c'est pas mal. J'en veux juste une. Une enveloppe, ça ira. On est très loin de la subvention. On devrait lancer un projet. On est très loin de la subvention de la MGM au studio Survios, parce qu'il leur avait donné 50 millions de dollars. Et c'était que deux au départ. Ouais, mais là, il devait y avoir plus qu'une subvention, je pense. Ils ont un contrat derrière. Hein. Ils sont en obligation de fournir tant de jeux par rapport à leur film aussi. D'expérience. Bon, après, tu dis oui, hein, la MGM qui se pointe, je te donne 50 millions, tu développes ta société. t'es bien quoi, c'est pas mal. Ah bah t'es tranquille pendant quelques années et puis tu peux embaucher surtout. En tous les cas sur BIOS ils font du bon job en VR, ça, c'est sûr. Oui, c'est un petit studio qui monte et qui creuse son trou, et en tout cas ils sont sur la bonne voie quoi. Bon. Ouais. En espérant qu'on entende plus parler dans les années à venir en tout cas. Ah ouais, ce serait cool. Ouais. Et d'ailleurs, c'est on n'a pas de nouvelles dans leur prochain jeu, hein, parce qu'après Electronauts, Creed, on ne sait pas ce qu'il y a là. C'est ouais. Bien qu'ils ne l'ouvrent pas trop tôt, en fait, justement. C'est bon le silence. C'est pas mal le silence, je me le dis de plus en plus, surtout en termes d'annonce. Ça veut dire que ça bosse derrière. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Oui, c'est... parce qu'ils étaient présents et il n'y a rien qui. Pour Creed, qui a été pour inventé, Creed donc, ouais. Là, ils ont balancé. J'ai l'impression que c'est, ouais. C'est un petit peu la star de rock qui te sort trois hits, trois titres, et puis derrière, il faut qu'ils fassent le nouvel album et on ne va plus les revoir pendant un petit moment. Mm-hmm. Ouais. C'est ça. Mais ils vont être oubliés. Moi, ce qui me botte, c'est que je vois qu'il y a quand même des gens qui. Des gros, surtout, qui investissent. Il y a deux écoles. Hein. À chaque fois, je compare ça. Le streaming et la VR, qui n'ont rien à voir, ça me fait penser au laserdisc et au lecteur, au CD, au compact disc, au cassette V2000 et au VHS. Y en a un qui va sortir du lot, et le problème, c'est ça qui est triste, c'est que les deux technologies, elles ne pourront pas continuer toutes les deux. Il y a forcément le marché qui va tourner d'un côté ou de l'autre. S'il y en a un qui est ralenti, tout le monde va se jeter sur la poule aux œufs d'or, celui qui restera. Et c'est là que ben on sait pas. Il y a des gros studios qui investissent énormément en VR. Il y en a d'autres qui investissent énormément en streaming. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et le futur de tout ça, ce sera de la 8K VR 100 FPS, aucune latence. Et là, on aura le casque en streaming. Mais là, on parle de ça dans 15 ans, 20 ans. Et c'est vraiment... Shadow, ils n'ont pas fermé la porte. Hein. Ils ont pas fermé la porte. Ils ont dit pas tout de suite, on bosse dessus. Oui, oui, oui, non, mais pas tout de suite. Oui, mais ouais, moi j'ai 16 mégas de bande passante à peu près stable. Donc ça varie, hein, ça monte à 18, ça descend à 15. Mais il y a Fortnite qui tourne tout le temps, non? C'est non, ça. Oui, ouais, c'est mes enfants qui. Mais ce que je me rends compte, c'est que ne serait-ce qu'aller sur YouTube, regarder une vidéo sur YouTube avec un casque qui est en 1080p, une vidéo en VR à 360 degrés, et ben avec 16 mégas, tu ne peux pas regarder une vidéo en 4K à 30 fps. Ça gâte toutes les 30 secondes. Donc à 20, 25, j'y crois sans plus. À 30, pourquoi pas, mais ça va merder. Puis attention, il ne faut pas comparer une vidéo 360 et un jeu, parce que c'est encore autre chose. Donc oui, pour moi, on est plus en avance sur la VR que sur le streaming, pour moi. C'est sûr que je suis quand même curieux de voir, un peu comme le truc de Nintendo, je serais curieux de voir. Mais à mon avis, si tu as un jeu qui est un peu violent, un peu poussé graphiquement, même très poussé graphiquement, à 60 fps et que tu lui en demandes beaucoup, je serais étonné que sur une partie, tu ne perdes pas à cause d'un problème de latence ou de conneries comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, je profite de conseiller aux auditeurs justement d'aller voir le reportage et la vidéo d'explication que tu as fait sur les vidéos 360 qui est super intéressante, qui est ultra documentée. Et qui est disponible du coup sur YouTube. Ouais. On apprend plein de trucs et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques sur les vidéos 360 degrés, on va dire bulles, qui sont pas les mêmes en fait que sur les jeux VR traditionnels en fait. C'est ce que c'est dans ça. Le traitement de l'image. C'est super intéressant. Donc voilà, c'était juste le petit instant promo quand même parce que ça fait pas de mal et on fait ce qu'on veut de toute façon. Donc voilà. Donc voilà. Bon, des choses à rajouter les petits gars ou pas? Non, Stax. Non, j'ai fait mon coup de gueule. Stada. Non. Il y en a marre du multi. Stagna. Les ouais, coquilles vides. T'as ça. Pas encore acheté The Division 2 d'ailleurs, Cyril? Non, mais je l'achèterai. Hein. J'ai le premier. J'achète les jeux Ubisoft. Hein. J'ai rien contre eux. Bien au contraire, c'est mes chouchous. Je déplore parce juste cette orientation Spanx, vers le multi. Mais quoi. Tu joues en multi. Spanx, il est dessus. Il a déjà fini le jeu. Alors bon. Il a fait un clan qui s'appelle Ballantine's quelque chose rapport au whisky, donc faut que tu viennes. Oh la vache. C'est obligé. Ouais. balancez-nous un Fortnite en VR, vous en vendrez des casques. Ah bah, t'avais pas un youtubeur qui avait testé Fortnite Ah non, pas sur PSVR 50, en écran plat qui disait oh, c'est tout pourri, qui n'avait pas capté que c'était un mode cinéma. 50 youtubeurs qui faisaient une émission pour essayer de faire des vues en plus. Aujourd'hui, j'essaye de faire un top 1 avec un PSVR de merde sur la gueule. Ouais, et c'est vraiment de la merde. Dans tous les pays, qu'est-ce qu'on a dit sur leur titre, que c'était putaclic ou pas? Ah bah. Bah non, on l'a pas dit, c'est des youtubeurs. On l'a pas dit, c'est des youtubeurs, là, on le dit pas pour eux. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre. C'est ce choix là, toujours unidirectionnel. Bizarre. C'est comme ceux qui parlent de brevets. Nous, quand on parle de brevets, c'est du putaclic, mais quand c'en est d'autres, non, c'est bon, c'est bien, ils sont sérieux. Vous la sentez un petit peu, les auditeurs, la hargne là qu'on a. Bon, on va pas faire les caliméros. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, je vois pas, je comprends pas non plus. C'est un complot, je pense, tout simplement. C'est bon. La faute à Google. Hein. C'est la faute de Google. Salaud. Bon, bonne question, on remonte un nouveau point intéressant. Comment ça va se passer au niveau du streaming de jeux vidéo sur YouTube quand il y a des personnes qui vont essayer des jeux sur Nadia et d'autres qui seront sur PS5 ou Xbox parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir quand même que l'Europe a condamné Google à une amende record de 1,5 milliard d'euros pour publicité abusive. Apparemment, si j'ai bien compris, c'était ça. C'était qu'ils avaient trop mis en avant leurs propres produits et ils avaient trop profité de leur monopole. Et voilà. Et donc, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il n'y a pas certains youtubeurs qui seront exclusifs à Stavnia qui vont pouvoir passer devant et d'autres qui vont continuer normalement à présenter des jeux Sony ou Xbox qui vont passer sur Twitch pour justement... Google, ce sont des philanthropes. Bah oui, je dis ça, oui. c'est quand même énorme, ça m'étonnerait. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas la communauté qui va se sentir maintenant YouTube, le type il montre un jeu et puis il y a toujours le bouton tu peux y jouer en direct sur leur vidéo à eux, et du coup est-ce que c'est les gens qui ne seront pas sur Google vont pas bifurquer petit à petit un peu plus sur Twitch parce qu'ils se sentiront justement entourés par ce monopole, je sais pas, à suivre. C'est une question que je me pose. Hein, c'est une question super intéressante. Bah, il va faire chier ce bouton. Un seul choix, c'est clair. Un seul choix, Stania. Oui, mais tu vas regarder un let's play d'un jeu sur quelqu'un qui sera sur Nyanya et un autre qui sera sur Xbox, par exemple. Celui qui sera sur Nyanya, il aura le bouton. Donc, ça me fait penser un ça peu va être de la publicité, à Lord of the Rings, tout ça. Bourrage de titres. Un anneau pour les posséder tous. Et là, c'est une application pour vous posséder tous. C'est ça. C'est qu'au final, tu vas te retrouver avec. Ça va se faire doucement, mais regardez déjà les jeunes, le temps qu'ils passent sur YouTube. C'est impressionnant. Putain, on est vraiment des vieux cons. La télévision. On est des vieux cons. La télévision aujourd'hui, même moi, je l'allume plus. En fait, quand je veux regarder un truc, je vais sur YouTube. Bah ouais. Tout le monde maintenant, ou sur Netflix, ou sur des choses comme ça. La télévision, les émissions de télé, c'est pour les grands-parents, quoi. Et petit à petit, tu vas te faire marteler tous les jours, appuie sur ce bouton play si tu veux jouer à ce putain de jeu qui a plein de latence et tout ça, mais tu me donneras 15 euros. Et au final, est-ce que ça va pas marcher aussi? Parce qu'ils ont une force publicitaire, mais incroyable. Ils ont... Je pense que les gens l'ouvrent suffisamment, surtout sur Internet, quand ils se sentent un petit peu lésés, floués. Donc c'est un truc, dès que ça va se voir, dès que ça va trop se voir, ils vont certainement en jouer un petit peu. Dès que ça va trop se voir, ils vont se prendre un coup de masse et ça marchera possible. Plus. C'est possible. Ils pourront plus. Il y a quand même des lois justement pour éviter ce genre de truc. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas la première fois que Google ils se font sniper à cause d'un certain monopole. Mm-hmm. Ça n'hésitera pas à revenir et être à nouveau le cas, je pense, s'il y a de l'abus, en tout cas. En tout cas, j'espère. Entre l'ouverture du dossier et la sanction, il se passe un temps infinitésimal. Et au final, entre guillemets, le mal, il est fait. Donc, ils auront fait leur trou, quoi. Entre le moment où il y aura des plaintes et le moment où ils auront obligation d'ajouter à côté de leur bouton un bouton Xbox Live et un autre bouton PlayStation Now, il va se passer 2-3 ans, 4 ans avant que ça se fasse. Parce que finalement, c'est pas une position d'antitrust là. C'est normal. Ils sont les seuls à avoir cette fonction, donc ils vont mettre ce bouton. Sauf qu'ils touchent combien de milliards de personnes dans le monde YouTube. Trop. C'est là où ce bouton, on va le voir partout en fait. Et ça, on va le play now. C'est quoi déjà? Je crois que c'est play now qui a écrit dessus. Ouais, c'est ça. Tu vas le voir partout, donc tu vas cliquer. Et théoriquement, YouTube devrait avoir l'obligation, d'à côté de ce bouton, d'avoir un bouton PlayStation Now et un Xbox Live et un Nintendo. Pouvoir le virer. Voilà. Pouvoir le virer tout simplement dans les options. Aussi. Enfin, je trouve plus. On verra bien. Bah, oui, parce qu'à la fin, dans ton écran, t'as trois boutons, donc tu vois plus rien. Ouais. Non, mais même, je pense que Netflix, de toute façon, ça sera Amazon, un bouton qui sera Apple. Apparent et lié à la plateforme avec laquelle tu vas sur YouTube. En toute logique, si tu vas sur ton ordinateur, tu n'auras pas forcément ton bouton Google affiché pour aller dessus. Ça serait absurde. Bah sur ordi, quand tu seras sur YouTube, tu auras le bouton tout le temps. Dès que tu une bande annonce, et c'est encore plus fou, c'est que les développeurs, quand ils parlaient de Ubisoft durant la conférence, ils disaient vous rendez compte, quand ils vont parler de leur nouveau jeu, vous pourrez y jouer tout de suite, les bêtas, vous y jouerez tout de suite, vous aurez juste un bouton, mais vous serez obligé d'aller sur YouTube pour jouer au truc. Donc niveau légal, ce truc là pour l'instant c'est tout neuf, c'est tout frais, mais je pense qu'il va y avoir des rebondissements dans quelques temps. Il va y avoir des problèmes s'il n'y a pas un menu déroulant. Et puis tu choisis comme un petit peu sur certains trucs de musique, si tu veux l'acheter soit sur Deezer, si tu veux l'acheter sur je ne sais quoi, sur iTunes, sur je sais pas quoi, enfin Deezer non, c'est pas le bon exemple, mais disons que tu choisisses en fait sur quelle plateforme tu veux acheter le jeu, voilà, c'est, et puis Apple c'est pareil, ils vont arriver là-dessus aussi, donc ça va être, quand on va en avoir 5-6, ben on fera quoi sur YouTube, on aura que le bouton gna gna. Donc ça va bouger. Ouais, on verra. T'es pas inquiet toi, Cillon? Non, je me demandais en fait s'il y avait un problème légal tout en écoutant Laurent, et ça passera de toute façon, ça va passer. YouTube, c'est ça se fera tout seul. Ils ont du succès, donc ils utilisent ce réseau, ils ont raison et ça va passer, hein, y a aucun problème. Ce qui va se passer, c'est c'est pas abusif, c'est normal, ils ont leur plateforme. Ce qui va se passer, c'est que les autres vont commencer à gueuler en disant et qu'à ce moment-là, il va y avoir des juges et des débats et des jugements, et à ce moment-là, il y a une loi qui va être pondue. Écoutez, à partir de cette date-là, vous aurez obligation de mettre au minimum 3 prestataires. C'est un peu ce qui se passe en téléphonie. Chez Arias ou des trucs comme ça, ils ont obligation de mettre Orange, SFR, Free. Ouais, ils peuvent pas mettre que Free en avant ou que Orange en avant. Quoi. Certes, ouais. Sauf que Arias n'appartient pas à Orange, ni à Free, ni à SFR. Ouais, t'es parti loin là, Laurent, t'es parti très loin. Bon, allez, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, vous pouvez nous retrouver partout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo ou de l'article ce que vous pensez justement un petit peu de l'arrivée de Google Dacia dans le marché. Stadia. Stadia. Stadia. Stadia. Quoi? Stadia. Je sais pas. Je sais plus. Et nous dire un petit peu ce que vous pensez justement de la relation antinomique, enfin d'opposition entre la réalité virtuelle et le jeu en streaming, quoi, savoir si selon vous, est-ce que c'est compatible, est-ce que vous avez peut-être des informations supplémentaires qu'on n'aurait pas ou dont on n'aurait pas parlé. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit mot sur iTunes, à nous donner une petite note pour qu'on soit référencé, et puis nous dire aussi si on fait de la merde, hein, quand même, c'est important d'avoir un petit peu de recul sur ce qu'on fait. Si on n'en fait pas aussi, nous le dire, hein, tout simplement, quand c'est bien. Et quand c'est bien aussi, ça fait toujours plaisir, énormément de plaisir. Ouais, c'est vrai. Comme quand c'est mauvais. On vous fait de gros bisous, à dans 2 semaines. Et puis, allez, salut les gars. À bientôt. Salut. Ciao tout le monde. Au revoir les amis. Bye. Ciao.